venues les femmes avec un grand couteau. Elle a bien cru qu'elle allait y laisser sa peau. Et puis ce matin, il a fallu qu'elles entrent pour couper une fleur cachée sous son ventre. Non, l'excision. J'ai dit non, l'excision. Ne les touchez plus, elles ont assez souffert. Un homme est sous son ventre, son corps ne répond même pas. Elle voulait bien qu'il entre, mais elle ne le sent même pas. Juste là pour s'aimer sa graine. Mais ce chant qu'il laboure est une bien triste plaine. Non, l'excision. J'ai dit non, l'excision. Ne les touchez plus, elles ont assez souffert. Non, l'excision. J'ai dit non à l'excision. Ne les touchez plus, elles ont assez souffert. On lui a coupé la peau, peut-être qu'il la vende comme un morceau de viande. Un si petit morceau. On lui a coupé la peau, juste un bout de son corps. Ils ont pris dans son île le plus beau des trésors. Non, l'excision. J'ai dit non, l'excision. Ne les touchez plus, elles ont assez souffert. J'ai dit non, non, non, l'excision. Ne les touchez plus, elles ont assez souffert.